professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est une histoire de vieille tige, du nom de l'association créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Amicale des pilotes aviateurs d'avant-guerre. Pourquoi ce nom vieille tige? Ne cherchez pas le sens étymologique, expliqué en 1946 Léon Battia, aviateur et fondateur de l'association. Nous vivions alors dans une époque où l'aviation entrait dans la société avec des mots de Paris, ma vieille branche, ma vieille tige. Voilà, nos souvenirs, nos émotions était attaché à une époque où l'invention, le cran, le génie, la foi étaient rois. Aujourd'hui, nous décollons avec les as de l'aviation. Adair sut quand même discerner ce qu'il fallait prendre au vautour et ce qu'il fallait donner à l'avion. Lui aussi, il aurait pu imaginer une machine à aile battante. Louis Blériot en construisait une en 1904. Lui aussi, il aurait pu construire un hélicoptère. De la Landelle allait construire le sien. Adair comprit parfaitement, et dès le premier jour, que si l'on pouvait emprunter à l'oiseau ses surfaces portantes, il fallait propulser ses surfaces convenablement inclinées en empruntant à un système propulseur la force nécessaire à l'avancement. Gabriel Voisin, pionnier de l'aéronautique, fabricant d'avions utilisés pendant la Première Guerre mondiale, qui s'exprimait à propos de Clément Adair. Nous étions en 1947. Bonjour Damien Coulon. Bonjour. Dites-nous, quel est l'état des lieux de l'aviation à la veille de la Première Guerre mondiale ? Bien, l'aviation à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est une aviation qui est encore à ses débuts finalement, puisqu'elle a à peine une dizaine d'années. Le premier vol attesté, il date de décembre 1903, les frères Wright, aux États-Unis, qui a justement été en partie ce vol questionné par les Français en vertu justement d'un nationalisme relatif, d'un patriotisme on pourrait dire peut-être, et un rapport à la modernité, puisque c'était un enjeu de montrer la modernité de la nation à travers ces machines modernes. Et donc Clément Adair, dont on a parlé dans l'extrait, justement doit faire figure de grand pionnier national. On retrouve, c'est lui qui a donné le nom d'avion à ces machines volantes qu'on appelait des aéroplanes plutôt à l'époque, et on retrouve justement cet avion exposé au Musée des Arts et Métiers pour justement attester de cette œuvre pionnière, même si le vol n'est pas lui-même attesté. Donc c'est une aviation qui est embryonnaire et qui et relève plutôt du sport aussi. Vous avez parlé hier des ballons et des spectacles qui étaient constitués par ces ballons, ces démonstrations aériennes. Les avions s'inscrivent complètement dans cette continuité avec justement dans des meetings aériens des démonstrations aériennes avec la quête de records de vols toujours plus longs, toujours plus loin, toujours plus rapidement. Et justement, on entendait parler de Louis Blériot. Ça passe aussi par des exploits qui sont financés par des journaux. La traversée de la Manche pour Louis Blériot en 1909, la traversée de la Méditerranée par Roland Garros en 1913, et puis après des performances toujours plus surprenantes comme la réalisation d'un looping par Adolphe Pégou en 1913 également. Donc plusieurs démonstrations sportives qui font de cette aviation plutôt une performance et des exploits que véritablement une arme. Damien Coulon, il y a des fabricants d'avions, il y a des marques qui fabriquent des avions, où quelqu'un qui souhaite réaliser un exploit peut aller acheter son appareil? Alors, c'est vraiment une aviation embryonnaire. Donc, il y a quelques fabricants d'avions, mais qui relèvent plutôt de l'artisanat encore à cette époque. Mais justement, c'est en train de se mettre en place. Les premiers pionniers, on entendait Gabriel Voisin, fait partie de ces constructeurs bricoleurs, on pourrait dire en un sens, qui vont commencer à mettre en place des chaînes de montage encore très rudimentaires. Mais à partir justement des années 1910-11, on retrouve un certain nombre d'avions qui sont produits en série relativement limitée. Roland Garros, par exemple, vole sur un avion de série. Il n'a pas construit lui-même cet avion, il a racheté cet avion à un autre constructeur. Avec ce progrès qu'il faut rappeler qui est sidérant, vous avez évoqué les frères Wright, on est au tout début du XXe siècle. 10 ans plus tard, on peut voler. Parce que les premiers vols, c'est quelques mètres et pas très haut. Et là, désormais, il est possible d'aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Oui, absolument. Je parlais de la traversée de la Méditerranée. Alors, ça représente un exploit pour l'époque, hein, mais justement parce qu'on peut désormais tenir en suspension et traverser un symbole aussi, hein, qui est la mer, qui va marquer justement l'ampleur et pour le grand public. En effet, on a des avions qui peuvent voler désormais à une centaine de kilomètres heure au début de la guerre, alors qu'on avait du mal à faire quelques mètres seulement encore quelques années plus tôt. Donc, véritablement, on a encore du mal aujourd'hui à se rendre compte, hein, de la progression très rapide de ce moyen technique. Et l'altitude ? Pour l'altitude, on est à des plafonds d'environ 2000 mètres au maximum à cette époque. C'est déjà énorme pour, justement, quand on part de si bas, entre guillemets. Et faut là aussi se représenter, hein, ce que ça peut avoir comme impact sur l'imaginaire, de faire voler des choses plus lourdes que l'air. Et c'est ça aussi le propre de l'aviation. C'est que désormais, ce ne sont plus le plus léger que l'air, les ballons qui s'envolent, mais désormais des choses plus lourdes que l'air qui sont motorisées, et c'est par cette motorisation que les appareils s'élèvent. Ils ressemblent à quoi, ces avions ? Alors, ils sont initialement surtout constitués de tiges de bois, hein, avec une entoilée. Alors, et plusieurs systèmes, soit avec une hélice qui est tractive à l'avant, mais au départ, on est quand même aussi plutôt sur des hélices qui sont propulsives, donc situées à l'arrière. Justement, ça fait partie de toute cette effervescence, hein, du moment, avec différents systèmes qui sont développés. Faut-il mettre une aile, deux ailes, s'agit-il de mettre des carrés éventuellement pour favoriser la suspension, un peu sur des systèmes de cerf-volant. On est vraiment dans une phase test et commence à s'imposer quand même, hein, le modèle du monoplan, donc avec une aile de chaque côté, même si on verra pendant la guerre, on a plusieurs systèmes concurrents. La guerre qui se déclenche en 1914, est-ce que c'est une évidence d'utiliser des avions tout de suite ? Alors c'est une évidence très relative, puisqu'on a quand même déjà des avions dans les armées. Des aéronautiques militaires dans la plupart des pays ont été créées avant la Première Guerre mondiale, mais elles sont embryonnaires. C'est une centaine au maximum d'aviateurs. On a en France, hein, c'est environ 140 avions avant la guerre pour l'aviation militaire. En Allemagne, 230, donc c'est pas tant que ça. Mais ils doivent surtout servir, on est encore en phase de test en un sens, hein. On espère qu'ils vont permettre éventuellement de bombarder l'adversaire, mais là aussi il y a eu quelques essais très peu concluants avant la guerre, et ils servent avant tout en éclaireur. Ils vont servir de complément dans les airs de la cavalerie pour ces missions d'éclaireur, et très rapidement vont étendre leurs compétences en un sens. Mais on en est vraiment aux prémices, et le milieu aviateur a beaucoup insisté dessus, hein. Il y avait une relative méfiance de la part du haut commandement vis-à-vis de ces aviateurs. Et Luc Robène rappelait très justement hier, hein, que justement on pouvait avoir une certaine méfiance vis-à-vis de ces hommes qui en sauraient plus peut-être que les commandants au sol. Luc Robène, l'historien qui nous parlait des ballons. Donc déjà au 19e siècle, les militaires au sol se méfiaient de ces militaires en hauteur qui pouvaient savoir plus du mouvement des troupes ennemies. Il y a ici quelques avions en 1914, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armée de l'air. Ils sont attachés à quoi, ces aviateurs ? À qui ? Alors, ça fait partie de la QL. Alors, ils sont rattachés à l'armée de terre pour l'ensemble des armées d'ailleurs, même si il y a quelques hydravions qui vont être achetés par la marine. Mais donc ils sont d'abord et avant tout attachés à l'armée de terre, et il y a une concurrence justement entre l'artillerie et le génie pour la France pour le leadership sur cette aéronautique militaire. Mais les aviateurs dépendent du commandement au sol, Et ça leur pose énormément de problèmes. En tout cas, ils revendiquent très rapidement leur autonomie et leur indépendance, qu'ils n'obtiennent qu'après la Première Guerre mondiale. Et ça fait partie aussi des motifs qui vont constituer le cœur de l'identité aviatrice. Ah bah oui, cette identité est très très forte. Avec Damien Accoulon, René Fonck, vous avez écrit sur cet as des as et pilote de la Grande Guerre. C'est publié chez Priva. Vous êtes enseignant en histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. René Fonck, au moment où éclate la guerre, ce n'est pas un aviateur encore. Non, René Fonck, c'est encore un jeune mécanicien, apprenti mécanicien même, dans une usine des Vosges. Et quand la guerre éclate, il se porte volontaire pour l'aviation. Mais il n'est d'abord pas retenu. Il est envoyé dans le génie et il fait ses classes dans le génie à Épinal. Et ce n'est que plus tard qu'il intègre l'aviation. Et il obtient de devenir élève pilote et d'apprendre le pilotage en 1915 à l'école du Crotoy, donc dans la baie de Somme. Où les plages de sable permettent justement les essais, les entraînements au décollage et à l'atterrissage, qui sont ainsi moins dangereux pour les élèves. Puis, réalise des missions d'observation, notamment dans le ciel des Vosges, là aussi. Et c'est lors de ces missions d'observation, donc il est le pilote de l'avion, il a un observateur à l'arrière de son avion. C'est lors de ces missions d'observation qu'il commence à montrer un certain nombre de compétences, de performances en un sens aériennes, puisque ils abattent avec son partenaire de vol deux ou trois avions, et donc il se fait remarquer en tant que bon pilote qui aussi arrive à survivre à ces missions et obtient alors de passer dans l'aviation de chasse et donc de piloter des avions beaucoup plus performants, qui ont pour mission d'abattre des avions ennemis. Et c'est à ce moment-là qu'il se révèle, en un sens, en tout cas, qu'il est remarqué par le grand public, puisque ses performances lui permettent d'atteindre 75 victoires homologuées à la fin de la guerre, c'est-à-dire le meilleur total des armées alliées. Et dès lors, c'est un as. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, comment la Grande Guerre a-t-elle révolutionné l'aviation ? Il est certain qu'avant juillet 1916, l'aviation a joué un rôle essentiel dans les opérations militaires. Mais c'est à partir de juillet 1916, ou tout au moins quelques mois avant, pendant qu'on préparait l'offensive, qu'on a organisé véritablement l'aviation. C'est à ce moment qu'ont paru les instructions du Grand Quartier Général, auxquelles d'ailleurs j'avais été appelé à participer, pour donner les règles essentielles des liaisons avec l'artillerie, avec l'infanterie, les règles de l'observation aérienne. À Verdun, il y avait, dans la façon dont nous agissions, nous observateurs et pilotes, beaucoup d'empirisme, et nous vivions sur une expérience quotidienne. Mais tout cela a été codifié, concrétisé, dans les instructions du Grand Quartier Général qui nous ont servi de règles pendant toute la bataille de la Somme. René de la Vessière de Laverne, qui s'exprimait en 1966. Lui aussi, René de la Vessière de Laverne, c'est parmi ceux qui ont participé à cette grande aventure aérienne. Lui, il est plutôt dans l'observation. Oui, c'est ça, oui. Ça fait partie des figures marquantes parce qu'il a laissé justement un certain nombre de témoignages et il reste parmi ses précurseurs qui étaient aussi à proximité justement de l'état-major et donc qui a contribué à fixer un certain nombre de règles. Il parlait de l'établissement des spécialités de l'aviation. En effet, elles sont même fixées très tôt. Il nous parle de Verdun, de la Somme, mais en fait, dès novembre 1914, dans une circulaire du GQG émise par, enfin signée par Foch, on a déjà en fait tout ce qui va suivre, c'est-à-dire une aviation qui, au départ, faisait de l'observation et va servir ensuite au réglage de l'artillerie, c'est-à-dire aider l'artillerie à tirer au bon endroit, à la bonne distance, en lui envoyant un certain nombre d'informations. Le bombardement, qui est une spécialité qui fascine et fait fantasmer un certain nombre de contemporains à l'époque et qui en fait est encore très très inefficace pendant la guerre, mais qui devient un aspect assez nodal de l'aviation militaire. Et puis la chasse, alors on ne parle pas encore d'aviation de chasse, mais on est déjà aux prémices, donc qui va consister soit à aller rechercher l'adversaire et donc lui interdire l'accès au terrain allié, ou alors à protéger simplement les missions des autres aviateurs qui pour leur mission d'observation ou de bombardement. Le GQG, c'est le grand quartier général. Et depuis ce grand quartier général, la guerre est pensée. Et puis dans leur avion, ben là, il faut faire avec ce qui se passe dans les faits, tout simplement. On parlait d'avions d'observation. On comprend très bien la logique. Envoyer un avion pour voir où se situent les troupes ennemies, ça, c'est une chose très simple. Mais en fait, il y a obligation très vite de s'armer parce que le hasard peut faire qu'on va rencontrer un autre avion d'observation qui, lui, sera peut-être armé. Oui, absolument, très rapidement en fait. Alors il y a en fait dès les premiers mois hein, les aviateurs qui même si le danger est minime, hein, emportent une carabine au cas où et essaient de on ne sait jamais hein, tentent leur chance, essaient d'abattre des avions ennemis et ça marche parfois. Et très rapidement ensuite le système est un peu systématisé avec la mise en place de mitrailleuses sur ces avions qui sont fixées, qui sont mobiles. Et là aussi, c'est tout un tâtonnement à travers la guerre pour essayer d'obtenir, de trouver le système qui va être le plus efficace. Faut-il mettre plusieurs mitrailleuses mobiles qui permettent aux passagers de diriger leur tir, au risque donc d'augmenter le poids de l'appareil et donc de limiter la manœuvrabilité? Ou alors, et c'est le système qui va s'imposer à partir de 1915, faut-il fixer la mitrailleuse dans l'axe de l'avion et diriger l'avion, en fait, pointer l'avion dans la direction du tir. Il ne faut pas qu'il y ait une hélice devant. Et alors, il ne faut pas qu'il y ait une hélice devant. Et donc, c'était toute la difficulté, justement, qui a été en partie résolue. Mais là aussi, après le test de plusieurs dispositifs, le premier qui a valu aussi une certaine célébrité à Roland-Garros, c'est donc le tir avec un déflecteur, c'est-à-dire la mise en place d'une pièce métallique triangulaire qui va être fixée sur l'hélice. Et au passage d'une balle, va dévier la balle, et permettant ainsi de protéger l'hélice qui autrement aurait été sectionnée. Donc ça, c'est un dispositif qui avait déjà été testé avant même la guerre. Donc pour aussi dire que la pensée hein, était là bien présente. Il a été testé avant la guerre, mais n'était pas encore au point. Il est sophistiqué et véritablement stabilisé à partir de 1915. Avec l'aide de Roland Garros, mais pas seulement, évidemment, ce sont toute une équipe d'ingénieurs qui sont derrière. Mais on attribue cette découverte à Roland Garros et un certain nombre, ça permettait hein, aussi de favoriser un petit peu la mise en avant de ces aviateurs. Et par la suite, ça c'est en Allemagne que ça se passe, le système est sophistiqué avec la mise au point justement d'un système de commutateurs, c'est-à-dire que il faut à chaque mouvement de l'hélice, le tir de la mitrailleuse était suspendu. Et donc c'est évidemment ça augmente l'efficacité puisque vous n'avez plus les vibrations sur l'hélice, donc vous gagnez en puissance et en vitesse. Et ce système donc de commutateur, il est mis au point par Fokker, l'aviateur Fokker, donc qui est un Néerlandais employé par l'Empire allemand. Avec là aussi la reprise d'un ensemble de dispositifs qui n'étaient pas forcément de lui, mais bon, ça menait à des procès après la guerre. Et c'est ce système qui va permettre justement aux aviateurs allemands à partir de la fin de l'été 1915 d'obtenir une relative, au moins temporaire, suprématie aérienne dans les combats aériens. Qui sont ces aviateurs d'ailleurs? Parce que vous nous avez dit, Damien Coulon, que avant-guerre, nous étions dans un univers sportif, j'imagine, de personnes privilégiées, c'est certain, pour pouvoir piloter un avion. Est-ce que ces gens-là qui, avant-guerre, s'adonnaient à des exploits lors des meetings, à des représentations, on va les retrouver aux commandes d'avions? On les retrouve en tout cas au début du conflit. C'est aussi le drame de la guerre, c'est qu'un certain nombre vont disparaître assez rapidement du fait justement de l'évolution des techniques et tout simplement de la répétition des vols qui augmente mécaniquement les risques d'être abattus. Alors dans leur sociologie, c'est quelque chose qu'on peut un peu déconstruire d'ailleurs. Il ne s'agit pas nécessairement que d'aristocrates, mais effectivement d'un public qui est plutôt aisé, d'une bourgeoisie moyenne, à l'image typiquement de Roland Garros, hein, qui est certes d'une bourgeoisie aisée, mais qui n'est pas non plus un grand noble. C'est plutôt cette bourgeoisie de jeunes gens passionnés de mécanique qui s'investit dans ce nouveau sport qui les fascine. Et sur le plan sociologique, on observe une évolution avec la guerre, justement. Un certain nombre des cavaliers qui ne pouvaient plus servir au sol dans leur mission classique, hein, donc ces cavaliers démontés à partir de l'hiver 1914 et de l'année 1915, rejoignent l'aviation comme moyen de rester actif dans la guerre, de conserver aussi un relatif prestige social en montant sur ces chevaux mécaniques. Et là, l'association est évidente, ce qui leur permet ainsi de rester dans une certaine représentation de la guerre, une certaine représentation d'eux-mêmes. Et ils vont, ces cavaliers qui étaient pour l'essentiel de bonnes familles, vont entraîner une montée sociale, hein, en un sens, faire se rallier un certain nombre de membres de la noblesse, dont René Lavessière de Laverne, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ce sont toujours des gens comme ça, avec le nom qui sont clinquants, mais vous avez raison, Damien Accoulon, de rappeler que tous ne viennent pas de l'aristocratie. Il y a plein d'exemples et de contre-exemples. Et il y a un nom qu'il faut citer dans cette histoire, on ne peut pas y échapper, c'est Guynemer. On ne peut pas parler d'aviation sans parler de Guynemer. Guynemer a été un cas unique qui ne se reproduira jamais. J'ai eu le très grand honneur de l'approcher. On lui avait donné absolue liberté. Il appartenait évidemment aux cigognes, mais il pouvait faire ce qu'il voulait. On lui signalait simplement que les Allemands étaient un peu gênants dans tel ou tel secteur. Et à un moment donné, où dans mon secteur, les Allemands nous ennuyaient beaucoup, je me rappelle un soir, presque à la nuit, le petit Spad de Guynemer a atterri. On l'a vite poussé sous un hangar, les mécaniciens, pour que les Allemands ne le voient pas. Et il est venu dîner avec nous, à notre popote. Et nous avons passé la soirée avec lui. C'était passionnant. C'était un homme d'une timidité extrême, d'une modestie insensée. Il avait déjà, je ne sais pas, peut-être 25 Allemands à son actif. Mais enfin, il était plus simple que le dernier d'entre nous. Et puis alors, le lendemain, à l'aube, n'est-ce pas, eh bien, il a décollé. Et il est parti au-dessus des lignes allemandes. Mais il est allé très loin. Les Allemands le savaient. Il n'y avait plus un Allemand. Il n'y avait plus un Allemand. Et dans le secteur, pendant les 15 jours qui ont suivi, il nous avait quittés. Il est parti le lendemain. Il n'y avait plus un Allemand. Dans le secteur, pendant 15 jours, plus un Allemand. C'est Jean Renoir qui, en 1958, racontait sa rencontre avec Guynemer. Damien Accoulon, cette liberté des pilotes pendant la Première Guerre mondiale, c'est un mythe, c'est un fantasme? Parce que là, on l'entend, il fait ce qu'il veut. Oui, bah après, c'est Jean Renoir qui a aussi beaucoup romancé sa propre vie. Donc, la rencontre avec Guynemer, qui est un incontournable de chaque récit d'aviateur, finalement. Une relative liberté, oui, au début du conflit, peut-être. Justement quand la doctrine n'est pas encore tout à fait fixée, que l'emploi de cette aviation n'est pas si certain. En revanche, elle est très rapidement recadrée, on va dire, cette aviation. Et bon, quelques passe-droits ont pu être accordés juste à ces grands aviateurs qui sont devenus très célèbres. Déjà à l'époque, hein, Guynemer de son vivant est une star. On se lève dans les théâtres quand il est là pour l'applaudir. Mais ça reste quelque chose d'exceptionnel. Quant à aucun Allemand pendant 15 jours dans le ciel, là, pour le coup, on est vraiment dans le fantasme et la romance a posteriori. Mais cette romance-là est écrite du temps même des événements. Parce que durant la Première Guerre mondiale, il y a une volonté de propagande de mettre en avant ces héros du ciel. Oui, c'est pas un hasard hein, si les As, le mythe de l'As se crée pendant la guerre. C'est une co-construction à la fois de la part des médias et des institutions militaires qui ont intérêt à mettre en avant quelques figures. Il faut se replacer dans le contexte de la Première Guerre mondiale où, au début de la guerre, l'information est très contrôlée, la presse censurée, les seules informations disponibles pour les journalistes qui n'ont pas accès au front sont celles que fournit le communiqué quotidien des armées. Ce manque d'information amène un certain nombre de journalistes à s'imaginer ce qu'est la guerre aérienne. Donc, avec les représentations justement de la cavalerie d'avant-guerre, de ce que peut être l'aviation à cette époque, c'est-à-dire un sport, ils s'imaginent ce qu'est la guerre et s'adressent aux aviateurs d'avant-guerre, les plus célèbres, pour obtenir leur récit de guerre. avec l'évolution du conflit et le durcissement du conflit, il y a un besoin d'abord d'ajouter en vérité dans cette guerre, d'ajouter en réalisme, en un sens, et puis de soutenir le moral à la fois des civils et des armées en apportant des preuves de succès. Et certaines preuves de succès évidentes sont celles obtenues par ces aviateurs. C'est facile pour eux de compter le nombre de leurs victoires, et très rapidement, quand on a un aviateur qui a abattu 4, 5 ou voire des dizaines d'avions, ça donne une image de succès. Donc il y a plusieurs tentatives, plusieurs essais qui sont assez difficiles à retracer, en tout cas sur les motifs qui incitent le grand quartier général justement à publier ces noms d'aviateurs. On ne retrouve pas dans les archives, c'est sans doute quelque chose d'informel, mais on peut le déduire. En tout cas, à partir d'avril 1915, justement quand Roland Garros met au point cette technique de tir à travers l'hélice, une première tentative dans le camp français, de mettre en avant ce pilote. On a la publication au communiqué général des armées, c'est-à-dire l'information passée par l'armée à l'ensemble du pays, le nom de Garros qui apparaît à deux reprises, ce qui est un honneur exceptionnel, alors que normalement, la confidentialité des informations militaires voudrait que l'on taise le nom et que l'on ne signale que l'initiale du nom. Donc une première tentative qui est rapidement stoppée puisque Roland Garros s'est fait captif, ce qui là aussi fait mauvais effet pour les armées françaises. Les armées allemandes reprennent finalement ce principe au début de l'automne 1915, lorsque est mis au point le Fokker E4 qui a deux mitrailleuses à tir synchronisé. Et donc là aussi, on a un lien assez direct finalement entre l'évolution technique et la mise en avant d'un aviateur, puisque là, dans ce cas-là, c'est Oswald Bölke qui a atteint sa quatrième victoire. Et s'installe le principe en Allemagne de publier les noms des aviateurs à leur quatrième victoire, qui est finalement repris en France et systématisé en France à partir de février 1916, quand Georges Guynemer, donc, obtient sa cinquième victoire. Et c'est alors que entre dans la pratique de publier le nom des aviateurs à partir de leur cinquième victoire. Les Britanniques se distinguent, encore une fois. Oui, toujours. La distinction britannique est centrale. Et ils se distinguent non sans avoir hésité, mais là aussi, les raisons sont assez peu claires. On s'accorde à dire aujourd'hui que si les Britanniques n'ont pas adopté ce même système... Ils ne publient pas les noms. Mais ils ont été tentés de le faire quand même à un moment. Mais ils ne le font pas finalement, puisque la tentative qui avait pu être réalisée en publiant le nom d'Albert Ball, qui est très rapidement tué, les en dissuade. Donc ce qui est mis en avant dans les différents échanges qu'on a retrouvés sur le sujet, ce qui est mis en avant, c'est que justement il n'y avait pas de raison de signaler particulièrement le nom d'un soldat qui finalement ne fait que son devoir comme l'ensemble de l'armée, et donc pas de raison particulière de mettre en avant ces aviateurs. Alors 4 ou 5 victoires pour devenir un as. Alors au départ 4 victoires en Allemagne, 5 en France, et puis avec le caractère de la guerre aérienne qui se massifie, un plus grand nombre d'avions qui du coup peut être abattu, et avec la multiplication du nombre d'as, c'est toute la problématique hein, de maintenir l'exceptionnalité de ces hommes, avec la multiplication du nombre d'as, on a une augmentation des seuils, un relèvement des seuils qui s'effectue alors en France à l'été 1917, hein, on passe à 10 victoires pour le communiqué. En Allemagne, un relèvement progressif jusqu'à 24 victoires à la fin de la guerre, voire 30 victoires, même, ça dépend comment on l'interprète. Mais ce système qui est évolutif dans la guerre, mais on reste aujourd'hui, pour l'ensemble des conflits, hein, sur ce système de l'as à 5 victoires, puisque c'est ce premier modèle français qui a été ensuite repris par l'Italie, les États-Unis, donc l'ensemble des alliés. Et les États-Unis, l'influence de l'armée américaine étant telle que c'est ce système de 5 victoires qui reste la norme encore aujourd'hui pour considérer un as. Alors René Fonck, l'as des as, et là je reprends le titre et le sous-titre de votre ouvrage, Damien Accoulon, combien vous nous avez dit lui 60 Plus de 70 ? 75 officiellement, voilà, donc on parle d'homologation d'ailleurs pour ces victoires en France, alors qu'elles sont seulement reconnues en Allemagne ou justement réclamées en Angleterre. Mais donc 75 victoires officielles, il en revendique par ailleurs 52 qui n'ont pas été officialisées, faute de témoignages. Donc ça en fait l'aviateur qui a abattu le plus d'avions dans le camp allié, l'as des as, donc le meilleur des as. Et il n'est dépassé en Allemagne que par le baron rouge Manfred von Richthofen et ses 80 victoires. Mais là aussi, hein, dans ce contexte d'une guerre racontée comme un match, comme une grande compétition entre ses pilotes, il y a beaucoup de débats sur la validité des différents victoire, et encore aujourd'hui, hein, c'est un sujet qui passionne les amateurs d'aéronautique. Oui, parce que à vous écouter, ça se décide pas sans rien. Il faut des témoignages, il y a presque une grille à remplir pour que la victoire soit validée. Oui, en effet. Alors, c'est à la fois un enjeu militaire, puisqu'il faut entretenir une comptabilité, justement, des appareils ennemis qui ont été détruits pour justement se faire une idée des forces ennemies. Mais ça devient aussi un enjeu pour les aviateurs de faire reconnaître leur succès puisque ça leur donne accès à un certain nombre de privilèges relatifs, hein, mais en tout cas de reconnaissance, de médailles, et puis la notoriété qui l'accompagne. Mais donc, en effet, cette homologation en France, c'est un système qui marque aussi la dimension sportive encore présente, hein, dans cette aviation militaire française. Cette homologation, elle doit attester de cette victoire par l'observation d'au moins un autre corps, alors au sol ou dans les airs, mais quelqu'un qui n'appartient pas à l'escadrille, pour attester de la réalité de cette victoire. Et donc on a tout un effort administratif qui est déployé dans cette Première Guerre mondiale pour faire reconnaître les victoires. Et les aviateurs sont souvent très frustrés que, par exemple, le Xème régiment d'infanterie n'ait pas répondu à leur appel, n'ait pas confirmé cette victoire, alors qu'ils étaient pourtant certains qu'ils l'avaient vue. Ainsi, ça laisse une victoire non homologuée, une victoire qui n'est que probable, mais qui du coup n'apporte pas d'avantage particulier à ces aviateurs. Tant de victoires qui apportent de la notoriété pour l'ensemble d'une vie. Encore faut-il sortir vivant de ces combats. C'est ce qui se passe pour René Fonck, présenté peu de temps après sa mort. Il y a 5 ans, le 18 juin 1953, celui qui mérita le titre d'as des as de l'aviation française durant la guerre de 1914-18 mourait à Paris. Il avait eu 75 victoires officiellement homologuées sur l'ennemi. Elles étaient réparties sur 45 journées de vol. Mais en réalité, on aurait pu, avec les autres, plus difficilement contrôlables, lui en attribuer 129. Jamais atteint, jamais blessé, il fut le seul au monde ayant obtenu 12 doublés, 4 triplés dont un en 10 secondes et 2 sextuplés. Son courage, son audace dans la précision, sa sûreté de tir confondaient jusqu'aux spécialistes les mieux placés pour apprécier. René Fonck, présenté 5 ans après sa mort, nous sommes donc en 1958, présenté par Gabriel Royard, journaliste, lui-même ancien combattant. Damien Coulon, ce qui est dit là correspond un peu. Alors, en tout cas, c'est sûr que ça correspond à l'image, la légende construite autour du personnage. Au combat même, oui, c'est pas mal. Oui et non, c'est-à-dire que évidemment, comme dans toute cette histoire, il y a toujours une part de romance derrière, et en particulier, j'ai retenu l'histoire des triplés et des sextuplés, c'est-à-dire voilà, 3 ou 6 avions, hein, comme dans un match de foot, hein, qui auraient été abattus dans la même journée. En réalité, on s'aperçoit, hein, qu'il n'est pas seul au moment de la réalisation de ses performances. Effectivement, abattre 6 avions dans une même journée, c'est une performance pour l'époque. Donc là, on est en particulier en mai 1918. René Fonck est un chef de patrouille. Donc il a plusieurs autres avions avec lui qui sont en soutien, qui éventuellement ont abattu ou en tout cas ont tiré en même temps sur l'appareil. Mais on ne crédite à cette époque que René Fonck. C'est déjà l'as des as allié et il y a un intérêt à en faire une sorte de super-héros, justement, qui est invincible. Le journaliste évoquait un pilote qui n'a jamais eu une seule balle dans son avion, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on retrouve très, très régulièrement. Alors, quand on regarde sa carrière de pilote de chasse, c'est déjà discutable. Mais alors, quand on retourne justement à sa période dans l'observation, c'est tout à fait faux. Là, il revient à plusieurs reprises avec des avions criblés de balles, ce qui est une performance en soi, mais qui, du coup, ne donne pas beaucoup de réalité à cette idée du pilote invincible. Et au début du premier conflit mondial, il n'y a pas beaucoup d'avions. Donc il y a une faible probabilité d'accumuler les victoires ou les défaites. Mais au fur et à mesure de la guerre, il y a de plus en plus d'avions. Oui, absolument. C'est une guerre qui se massifie avec aussi une organisation qui se met en place. Au départ, on a certes des escadrilles, mais des vols qui sont relativement solitaires. Et au fur et à mesure, se mettent en place des groupes de combat, c'est-à-dire des groupes de plusieurs escadrilles qui elles-mêmes comprennent plusieurs avions, 6 à 8 avions. Puis ensuite, des escadres aériennes. Et à la fin de la guerre, en France notamment, on a même une division aérienne qui peut mettre qui dispose de presque 800 avions, qui ne les engage pas toutes au même moment, mais qui incarne, manifeste cette massification de la guerre. Et donc, mécaniquement aussi, plus d'avions dans l'air, c'est aussi plus de chances d'abattre des avions. D'autant que les combats sont de moins en moins solitaires. Justement, on a la mise en place de stratégies avec des vols en groupe, des avions qui sont plus en hauteur que d'autres, pour soit attirer les ennemis et pouvoir fondre ensuite dessus. Il y a plusieurs dispositifs tactiques qui se mettent en place, justement, avec cette évolution des doctrines et des tactiques. Alors, il faut les fabriquer, ces avions. Alors, il faut les fabriquer. En effet, c'est tout un enjeu. D'abord, de trouver les financements. Puis, ensuite, de mettre en place des avions suffisamment performants pour assumer l'effort de guerre. On a une spécialisation de ces appareils qui également est progressivement mise en place. Des avions d'observation où vous allez avoir un pilote et un observateur à l'arrière, des avions de chasse qui deviennent pour l'essentiel des monoplaces à partir de 1916-1917, qui sont du coup plus légers, plus maniables et avec des performances qu'on espère toujours plus importantes. Et ensuite, des avions de bombardement qui là aussi peuvent emporter des tonnages de plus en plus élevés. On est même pas encore à la tonne au début de la guerre et l'objectif c'est de les monter. Bon, si bien qu'à la fin de la guerre, en France, on a 13% du produit national brut de 1913 qui est investi uniquement dans l'aviation. Donc un effort financier assez conséquent qui se justifie par les résultats obtenus désormais par cette aviation et en particulier dans l'observation, puisqu'on parle beaucoup des pilotes de chasse, mais ceux qui sont le plus concrètement et plus directement utiles aux opérations, c'est sans doute l'observation à cette époque. La moitié de l'aviation française, ce sont des avions d'observation et c'est la même chose dans la plupart des armées alliées. Avec des avions qui sont construits par des sociétés privées où l'État décide d'investir et puis de fabriquer ses propres avions. Alors, c'est tout un débat dans ces années de guerre, et dans la commission de l'armée, ça revient de façon récurrente. Donc ce sont des investisseurs privés, des constructeurs privés qui obtiennent des contrats. L'État attribue un certain nombre de contrats sur certains types d'appareils qui peuvent être construits ensuite par les autres constructeurs. Donc ce sont des modèles qui sont ainsi retenus, mais adaptés en fonction de la guerre. Si bien que les escadrilles de guerre comprennent souvent différents types d'appareils, alors différentes générations, mais aussi différents modèles. Ce qui, là aussi, pose des problèmes en termes d'entretien, de coordination des efforts, et y compris pour les aviateurs, d'obtenir l'appareil le plus performant. Ils sont souvent très critiques de certains modèles d'appareils qu'ils jugent trop lents, trop peu maniables. Et donc, c'est tout un enjeu aussi pendant la guerre de faire remonter justement l'avis des aviateurs sur les modèles qui sont commandés à ces industriels. Et oui, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux leurs propres besoins avec des avions adaptés. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Témoignage de René Fonck. Quelques heures, toute la nation fut sur pied pour se réjouir. C'était la fin des alarmes, jusqu'alors incessantes. La fin des privations. la fin des dangers. Le rideau tombait comme par miracle sur leur dernier acte de la grande tragédie, sans pareil qu'avait été la Grande Guerre. Mais la voix des cloches annonçant à toute volée la victoire nous allait particulièrement au cœur, à nous les anciens combattants, car cette victoire qu'elle célébrait était notre œuvre. Le 11 novembre 1938, 20 ans après l'armistice, René Fonck qui évoquait ce moment-là, mais ça veut dire que ça y est, c'est terminé, hein, on voit bien comment ça se passe pour les soldats. Novembre 1918, c'est la démobilisation qui en réalité dure longtemps, ça dure plusieurs années. Ça se passe pareil pour les aviateurs ? Oui, en effet, la démobilisation, elle se passe plus ou moins vite, aussi selon les volontés des aviateurs. Il y en a un certain nombre qui vont stationner en Allemagne, justement, pour l'occupation, et avec beaucoup de protestations de la part de leurs commandants, puisqu'ils avaient été habitués à une certaine liberté pendant la guerre, et là, dans les troupes d'occupation, on ne leur permet plus tout à fait tous les privilèges qu'ils avaient pu obtenir, et eux-mêmes, à l'inverse, attendent désormais un certain relâchement de la bride, et donc on a beaucoup de conflits entre les aviateurs et leurs commandants à ce moment-là. Ces troupes d'occupation, elles peuvent aussi être envoyées ailleurs, enfin ces aviateurs en tout cas en voie de démobilisation peuvent être envoyés dans des missions militaires, notamment qui, en Europe centrale en particulier, mais dans d'autres endroits du monde, vont avoir pour mission de vendre des avions, de faire des démonstrations d'avions, et puis de repérer déjà ce qui pourrait être des liaisons aériennes. Il y en a une en particulier qui est assez importante, qui est stationnée à Istanbul, hein, dans ce qui est devenu d'ailleurs l'aéroport international d'Istanbul, ce qui à l'époque est encore un petit aéroport, cette mission militaire d'Orient a pour objectif de poser les bases d'une liaison entre Paris et Istanbul, en passant par l'Europe centrale, pour renforcer et ancrer l'emprise française sur la région. Et plus généralement, dans l'ensemble de ces missions en Europe centrale, vont avoir pour objectif de vendre du matériel français, puisque tout ce matériel qui a été produit pendant la guerre, il est excédentaire désormais. Donc c'est un enjeu de revendre ce matériel, ce qui doit aussi permettre ainsi de convertir en partie ces armées de l'air nouvelles, puisque ce sont plein de nouveaux États-nations qui sont formés, donc de convertir ces armées de l'air nouvelles à du matériel français, donc à des instructions françaises, et potentiellement de coordonner ainsi les armées sur le modèle français. Et l'aérospatial ? L'aéropostale, pardon. Oui, l'aéropostale, ça commence aussi hein, dans ces années de sortie de guerre, avec, là encore, un certain nombre d'appareils démobilisés, des anciens bombardiers, en particulier le Breguet 14 qui avait servi beaucoup au bombardement pendant la guerre, qui sont reconvertis, réaménagés pour accueillir soit du transport donc de courrier dans le cas de l'aéropostale, soit même du transport de passagers. Donc ces appareils vont avoir pour objectif, hein, avec leurs pilotes qui eux-mêmes ont été formés pendant la guerre, de dessiner une liaison entre différents points du globe, ce qui est donc un enjeu postal, mais qui n'est qu'un prétexte finalement pour favoriser la mise en place d'un réseau d'aviation français dans le monde. Et puis il y a toujours ces exploits hein, avec Nungesser, on va le retrouver pour la traversée de l'Atlantique qui se termine de manière dramatique en 1927. Ils sont toujours des héros tels qu'ils sont présentés dans la presse, ces as de la guerre deviennent ensuite des familiers, j'ai envie de dire, quand on voit les journaux, ils apparaissent régulièrement. Oui, absolument. Alors, c'est très intéressant hein, d'observer comment ces pilotes qui ont été mis en avant, en lumière pendant la guerre, essaient en tout cas de continuer à rester comme ça sur le devant de la scène en poursuivant leurs performances, toujours avec cette idée hein, de mettre en avant les cocardes françaises. Il y a toujours cet argument qui vient derrière. Mais donc de s'illustrer par des vols, des grands raids qui ainsi hein, montrent, qui sont aussi dans une certaine mesure dans la continuité de ce qu'ils faisaient avant la guerre, des raids qui sont des performances. C'est plus la Méditerranée comme Garros, c'est désormais l'Atlantique qui est le grand objectif. explosif. Alors Ningesser et Colly meurent dramatiquement en 1927 en tentant cette traversée de l'Atlantique, mais René Fonck aussi, par exemple, avait essayé l'année précédente, et là aussi ça s'est soldé de façon dramatique, puisque lui a réchappé à l'accident au décollage, mais deux de ses passagers, eux, sont morts dans l'avion en flammes. Donc l'idée de continuer ses performances entretiennent aussi une certaine idée de l'aventure, de l'aviateur aventurier qui se lance désormais non plus seulement sur l'Europe mais dans des mondes plus exotiques aussi pour mettre en place voilà, des liaisons par exemple avec l'Empire français. Et puis après la Première Guerre mondiale, la place des anciens combattants est essentielle. On ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé. Il y a cette fraternité qui transparaît également dans le monde des aviateurs. En avril 1937, René Fonck se confesse au magazine Confession, le magazine de Joseph Kessel. Il exprime ce qu'est pour lui sa guerre et sa paix. Notre fraternité d'aviateurs se nourrissait chaque jour de victoires mortelles sur d'autres hommes. Cependant, notre combat dans l'air était si loyal que les adversaires d'hier se retrouvent aujourd'hui sans animosité et sans haine. Lorsque je rencontre Oudet ou Göring, notre conversation semble être celle d'anciens compagnons d'armes. Il semblait que nous eussions fait partie de la même patrouille. Nous avions vécu la même guerre. Ensemble, en adversaires courtois, nous avons reconstitué plusieurs combats dans lesquels nous nous étions rencontrés. Il semblait que s'ajustaient deux pièces d'un même ouvrage construit par deux ouvriers ennemis. Nous nous trouvions d'accord sur la guerre passée. Alors peut-être avons-nous eu la même vision d'avenir. Damien Coulon, dans cet extrait, des noms sont cités. Vous en avez déjà apporté un, c'est le Baron Rouge. Parce qu'il faut citer ces aviateurs allemands, mais là, deux autres noms sont cités, Oudet et Göring. Alors déjà, Oudet, qui est-il ? Alors Ernst Oudet, c'est l'alter ego hein, finalement de René Fonck côté allemand, c'est l'as des as allemand, celui qui a survécu à la guerre en ayant le plus de victoires, 62 victoires reconnues. C'est dans ces années 20 et 30 un aviateur qui a continuer à tenir le haut de l'affiche puisque il est devenu même une star de cinéma. Il a joué son propre rôle dans les films de montagne, qui est un genre particulier en Allemagne, et qui dans les années 30 est en partie repris par le nazisme qui l'embauche hein, finalement, puisqu'il est un ancien camarade de combat d'Hermann Göring, qui devient donc un des leaders, une des figures majeures de l'aviation militaire allemande reformé. Et Göring, c'est Göring, Hermann Göring, c'est la Luftwaffe de la guerre. Quoi. C'est le même Hermann Göring, le même numéro 2 du parti nazi, qui en fait est un as de la Première Guerre mondiale. Il a certes, on dirait, seulement 21 victoires reconnues, mais c'est au contraire justement une figure majeure de l'aviation militaire allemande, puisqu'il a obtenu la plus prestigieuse des récompenses au même titre que les autres, hein, l'ordre prussien pour le mérite. Et il a surtout été, et c'est son principal fait de gloire sur lequel il va beaucoup insister dans ces années 20 et 30, c'est le dernier commandant de l'escadrille de Manfred von Richthofen, donc l'héritier ainsi symbolique du Baron Rouge. Et là, c'est un titre qui lui sert particulièrement. Et puis dans cette interview de 1937, René Fonck termine, enfin en tout cas dans l'extrait que nous avons diffusé, « Nous nous trouvions d'accord sur la guerre passée, alors peut-être avons-nous eu la même vision d'avenir ?» Ce lien de l'avenir qui relie Oudet et Göring nazis à René Fonck, ça devient problématique. Oui, spécialement problématique. Alors, il est possible, moi ce serait plutôt mon interprétation, que René Fonck se laisse un peu prendre en fait par son désir de revenir sur le devant de la scène, puisque dans ces années 30, il est beaucoup moins important en France que ne le sont Göring et Oudet en Allemagne, qui eux sont montés avec le parti nazi. Et ça fait partie de cette romance aérienne de mettre en avant La camaraderie, ce que René Fonck appelle même la fraternité des ailes, dans un autre extrait. Mais donc de mettre en avant cette fraternité des ailes, avec cette idée que il faudrait redonner aux aviateurs un certain nombre de prérogatives, voire leur donner les commandes du pays, pour favoriser la paix mondiale. Et cette même vision de l'avenir, elle pourrait être interprétée aussi comme ça, dans cette idée que les aviateurs, en tant que personnes qui ont une vision très large et très internationale des choses, seraient en mesure, si on leur en donne les moyens, de maintenir une relative cohésion du monde. Dans ces années 30, hein, on a un certain nombre de projets, justement, pour former une police de l'air internationale, qui maintiendrait une paix universelle. Voilà, ils savent prendre de la hauteur. En 1937, toujours au cinéma, il y a un film, c'est La Grande Illusion, de Jean Renoir que nous avons entendu tout à l'heure. J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire, un policier. Mais c'est le seul moyen qui me reste encore pour me donner l'air de servir ma patrie. Brûlez partout, la raison pour mes gants. Colonne vertébrale fracturée en deux endroits. Une plaque d'argent. La rotule du genou est en argent aussi. Les malheurs de la guerre m'ont apporté ces richesses. Mais permettez-vous une question? Naturellement. Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception? En me recevant chez vous. Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boisdieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Boisdieu, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin de Raffenstein et de Boisdieu. On n'a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être. Eric von Stroheim, Pierre Fresnay dans le film de Jean Renoir, avec ici l'évocation d'un aviateur, et surtout on retrouve tout ce que vous nous avez dit, Damien Accoulon, ce sentiment de privilège, ce côté combat presque chevaleresque dans les airs, lié à un monde de l'aristocratie, en tout cas tel qu'il est souvent présenté. C'est terminé tout ça, en fait, non pas après la guerre, mais pendant la guerre. On voit bien l'évolution entre 1914 et 1918. Oui, en effet, mais on a un mythe qui survit à cette guerre très largement, et là, dans cet extrait, ils insistent particulièrement sur leurs origines aristocratiques, mais ce sont bien deux officiers aviateurs qui interviennent et qui nous parlent justement de ce monde évanescent. C'est une guerre qui est largement fantasmée, mais qui est justement ancrée dans l'imaginaire à travers ses productions, et c'est là aussi très très significatif que ces discours soient diffusés par d'anciens aviateurs. On parlait tout à l'heure de Joseph Kessel pour le magazine dans lequel intervenait René Fonck. Ici, on a aussi l'ancien aviateur Jean Renoir qui filme une histoire d'un ancien aviateur, Armand Pinsard, as de la Première Guerre mondiale, qui est donc à l'origine, hein, en tout cas, c'est le point de départ du scénario de Jean Renoir. Et on a une insistance, en fait, croissante sur ce côté chevaleresque de la guerre aérienne, qu'il n'avait déjà plus, en effet, même dès la guerre. Et donc, ainsi se cristallise, hein, véritablement cette image chevaleresque à travers un certain nombre d'œuvres de fiction, La Grande Illusion, le premier Oscar du cinéma, hein, Les Ailes, est aussi un film d'aviation, et à un moment, vous avez un aviateur qui laisse partir son adversaire parce que sa mitrailleuse est enrayée, et je cite le carton, parce qu'il y avait encore du chevaleresque dans cette guerre. Avec des noms qui évidemment restent, on dit le Baron Rouge, ça évoque quelque chose, on dit Roland Garros, bien sûr, il y a l'évocation tennis, mais maintenant on sait que c'est un aviateur, il y a Ningesser, il y en a tant d'autres. Guynemer, dans le cas de René Fonck, le moment Seconde Guerre mondiale peut expliquer pourquoi il est plus oublié que les autres, il a collaboré. Oui, alors c'est un peu moins net que ça, mais en effet, il a été en relation très régulière et très directe avec les Allemands. Le contenu, évidemment, des conversations est toujours très difficile à déterminer, mais il est à Paris une des personnes qui se rend régulièrement chez Ernst Udet, chez le secrétaire de Göring, pour voilà discuter, chez Helmut Knorren aussi, qui est le chef du service de sécurité allemand en France. Et donc, en effet, ces liens avec les Allemands et avec Vichy de manière générale, puisqu'il est en contact régulier avec le maréchal Pétain jusqu'en 1942, là aussi, le mettent dans un camp qui lui laisse une postérité plus sombre. Plus sombre et toujours ce moment très complexe de la Seconde Guerre mondiale avec des liens avec la résistance, qui font que, voilà, René Funk, c'est un de ces personnages qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'as, et pas n'importe lequel, l'as des as, et qui nous permet juste de comprendre ce moment très particulier pour l'histoire de l'aviation de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, Damien Coulon, de nous avoir présenté tous ces as. Merci beaucoup pour votre invitation. René Funk, As des As et pilote de la Grande Guerre, c'est votre ouvrage, et on retrouve maintenant, l'as des as des chroniqueurs, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi la révolution industrielle n'a-t-elle pas suivi en France le modèle anglais ? La révolution industrielle ne s'est pas déroulée en France selon le schéma dégagé par Karl Marx pour la Grande-Bretagne. Dans le cas français, en effet, il n'y a pas eu de déracinement massif des paysans brutalement transformés en prolétaires pour alimenter l'armée de réserve du capitalisme. En France, le mode d'industrialisation a permis, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le maintien d'une très forte composante paysanne dans la population active grâce au dynamisme d'un système économique fondé sur la pluriactivité. Les habitants pauvres des campagnes purent souvent échapper à l'exode rural et continuer à travailler la terre, parce qu'ils trouvèrent des ressources complémentaires en se faisant embaucher dans un atelier, une fabrique, un chantier ou à la mine. Cette pluriactivité fut très souvent aussi un moyen pour eux de dépasser l'horizon limité du monde rural pour nouer des relations avec les centres urbains. L'un des exemples les plus réussis de cette adaptation lente et sans rupture brutale aux contraintes de la société industrielle fut celui du Jura. Beaucoup de paysans purent lutter contre le morcellement des terres et la morte saison hivernale en complétant leurs ressources par des activités artisanales centrées au départ sur la clouterie. Quand la clouterie fut concurrencée par la pointerie mécanisée, c'est l'horlogerie qui prit le relais. Cette activité familiale reposait sur une stricte division du travail. Les femmes et les filles, bien qu'elles aient représenté jusqu'au tiers des actifs de ce secteur, jouaient surtout un rôle d'appoint. Elles étaient affectées aux tâches les plus simples, qu'exigeait la fabrication des horloges. Les hommes s'occupant des opérations plus complexes et de la livraison de la production. Cette division du travail industriel était aussi la conséquence des contraintes qu'imposaient les activités agricoles. Dans cette région spécialisée dans la production du lait, ce sont les femmes qui s'occupaient de la traite, de l'alimentation du bétail, du nettoyage de l'étable. Les hommes étant surtout mobilisés pour la récolte du fourrage. La répartition des tâches fut modifiée quand la fabrication des lunettes se diffusa en milieu rural en complément de l'horlogerie. Moins exigeantes en salaire que les hommes, habiles de leurs mains, susceptibles de passer sans cesse des occupations de la ferme à la fabrication des montures, les femmes et les jeunes filles furent alors placées au cœur de l'organisation familiale du travail. Les entreprises établies dans les centres urbains de la région appréciaient beaucoup de leur côté cette main-d'œuvre flexible, peu coûteuse et docile. La pluriactivité fondée sur la force de travail familiale a permis à ce modèle socio-économique de perdurer jusqu'au XXe siècle. Loin de vivre confinés dans leur village, ces ouvriers paysans contribuèrent à alimenter les marchés internationaux de produits français de semi-luxe,